Peter Friedman court, à bout de souffle, droit devant lui et à toute allure. Il ne doit pas se retourner. Il fuit, dans ce décor rempli d'arbres et de coups de feu retentissants. De nombreuses racines et de détritus jonchent le sol. La course est dure, mais Peter ne pense qu'à une seule chose, sauver sa vie. Soudain, une explosion retentit à côté de lui. Il perd l'équilibre. Le contact avec le sol est violent. Une douleur aiguë lui transperce le visage. Haletant, il tente de se relever. Il parvient à atteindre un bosquet à quelques mètres devant lui. Il se cache tant bien que mal derrière les branches. Son œil est crevé. C'est en passant sa main sur son visage qu'il le découvre. Du sang coule à flots depuis son orbite droite, pénètre dans ses narines et sa bouche tache ses habits. Il peine à respirer. Étendu dans l'herbe, en proie à une souffrance intenable, il gémit. Il songe à Angela, qu'il a plus que tout envie de revoir. Le soleil, dans le ciel bleu immaculé, semble saluer de son immense grandeur, tandis que les coups de feu s'éloignent.